espresso, cappuccino, latte, panini, frites, poutine, chili, smoothie, café glacé et mets pour emporter rapide. Ouverte 24 heures sur 24 et tout près des arrêts d'autobus, la Ninkasi Honoré Mercier, c'est la place où t'as envie d'être. Pendant Expo Québec, c'est à la source de la Martinière que ça se passe. Spectacle tous les soirs, dont vendredi 14 août, soirée hip-hop avec DJ 20 après Wyclef Jean. Vendredi 21 août, soirée punk rock avec The President Choice après Sum 41. Spéciaux 5 à 7 pendant la durée d'Expo Québec. Pour plus d'infos sur la programmation, suivez-nous sur Facebook. On vous attend. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. À ne pas manquer cette semaine sur la Fabrique culturelle. Au cœur du magnifique domaine Forget, laissez-vous envoûter par la richesse sonore des contrebasses d'Étienne Lafrance et Nicolas Walker. L'art contemporain de David Atmed, vu par les enfants du camp de jour du Musée d'art contemporain de Montréal. J'aurais jamais eu l'idée de faire une tête en noix de coco d'un personnage. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Bonsoir à tous les amateurs de bonne musique, musique progressive entre autres, parce que les deux prochaines heures y seront consacrées, c'est l'émission Terrain Incognita, à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec, et vous êtes en compagnie de Bruno et Jean-François. Et aujourd'hui, ben, l'émission est consacrée en bonne partie au numéro 81 du magazine Progressiste. Il en sera question. Il y aura d'ailleurs de larges extraits du CD sampler qui est fourni avec le magazine. En fait, deux CD sampler. Il y a celui de Progressiste comme tel et il y a le New Species. Et il y aura beaucoup d'extraits de ces disques-là, mais il y aura aussi quelques nouveautés italiennes, entre autres Fabio Zuffanti qui nous a préparé un petit live in studio 2014, c'est-à-dire que c'est des extraits de son répertoire, en fait avec tous ses groupes, le Finistère, Au Sonaten, Mascara, Dicera. Ça ressemble en bonne partie à ce qu'on a entendu à la convention Terra Incognita de 2014. Selon le magazine Progressiste, Fabio Zuffanti s'est rendu compte, après le succès de cette tournée, qu'il regrettait amèrement là, de ne pas avoir enregistré cette tournée-là, parce que c'était vraiment quelque chose de magique. Si vous étiez au festival lors de ce spectacle-là, avec Unreal City, entre autres, qui précédait, ben, je pense que vous savez que Fabio Zuffanti avait réuni ce qu'on appelle un Dream Team avec son Z-Band, là, des musiciens vraiment exceptionnels qui ont rendu une performance vraiment là, hors du commun. Et étant donné que le guitariste Matteo quittait pour l'Espagne, ben Fabio s'est dit ben il faut absolument qu'on fasse un enregistrement de ça. Donc ils ont fait ça en studio. Donc le son est vraiment extraordinaire et Fabio insiste pour dire qu'il n'y a pas eu de retouche. Donc c'est tel quel. Ça a été c'est exactement la façon que ça a été rendu et c'est vraiment impeccable. Et le livret à l'intérieur, j'ai eu une belle petite surprise en voyant ça. J'ai reconnu la scène et les instruments qu'il y avait là. Donc, la photo vient de la convention Terra Incognita. C'est vraiment assez extraordinaire de voir ça. Et, bon, je vous parlais du CD sampler du Progressiste numéro 81. Moi, j'ai fait énormément de belles découvertes sur ces deux disques-là. Mais entre autres, il y a The Abelians. un groupe qui propose un mini-album, en fait un EP de trois pièces. Et ce groupe-là, ça aussi, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, c'est un groupe belge qui, dans ses débuts, en tout cas en 2002-2003, est inspiré de Focus, King Crimson et Pink Floyd. Et selon eux, ces influences-là sont restées. Donc, en 2010 et 2014, la formation actuelle s'est formée et ils ont penché vers une musique plus lyrique. Et la chanteuse est assez... c'est une chanteuse qui a un chant classique, là, qui a fait des études classiques en chant. Et ça s'entend, c'est vraiment très beau à entendre. Donc, le nom provient du mathématicien Niels Abel. Et on parle dans l'entrevue qu'il y a dans le magazine, si ça a un lien avec la secte chrétienne du 4e siècle, eh bien non. Mais le groupe aime bien entretenir l'ambiguïté là-dessus. Et pour terminer ce premier bloc, qui va être quand même assez long, on va mettre juste une petite pièce de Museo Rosenbach, extrait de... Zarathustra, leur chef-d'œuvre, parce qu'on va souligner le décès de Giancarlo Golzi, qui est le batteur qu'on retrouvait aussi sur la reformation de 2013. Donc, il nous était revenu avec un très très bon disque. Donc, il est décédé mercredi soir le 12 d'un arrêt cardiaque à 63 ans, ce qui est quand même très très jeune. Et il était le batteur aussi pour un groupe qui s'appelle Mattia Bazin. Moi, je connais pas du tout. Donc, on y va en musique avec Fabio Zuffanti. Mostrasti la vita creando forme e colori, gli spazi delle cose duravano il soffio di attimi, in volo scorgi la preda, affonda il mare su di te. Thank you. mi sei vicina. Rivolgi i pensieri, dirigi la forza all'interno dell'interno. Ferma il gioco, ripensa ai tuoi giorni, ai sogni di possesso rubati. fa più sicuro, riempie di colore le mie stanze, cerca di trovare il luogo che conduca tra alte colonne, vaga il cielo ancora più scuro, ti sovrasta, gocce di notte danzano nel cerchio, tempo di sapere. Thank you. che spezza il gioco. E tutto si ferma e muore infinito. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Par téléphone au 418 640 2575, poste 201, au 405 3e Avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Faites-le avant le vendredi 4 septembre 19h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au Bal du Lézard. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui. Située au cœur de la ville de Québec, la toute nouvelle Ninkasi Honoré Mercier offre une expérience café avec la Marzocco, notre machine faite à la main et importée d'Italie. Réseau Internet gratuit, sandwich frais du jour, espresso, cappuccino, latte, panini, frites, poutine, chili, smoothie, café glacé et mets pour emporter rapide. Ouverte 24 heures sur 24 et tout près des arrêts d'autobus, la Ninkasi Honoré Mercier, c'est la place où t'as envie d'être. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Pendant Expo Québec, c'est à la source de la Martinière que ça se passe. Spectacle tous les soirs, dont vendredi 14 août, soirée hip-hop avec DJ 20 après Wyclef Jean. Vendredi 21 août, soirée punk rock avec The President Choice après Sum 41. Spéciaux 5 à 7 pendant la durée d'Expo Québec. Pour plus d'infos sur la programmation, suivez-nous sur Facebook. On vous attend. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. Et nous sommes de retour. Et pour notre prochain bloc, on va entendre le groupe italien. En fait, c'est un groupe de Grèce qui s'appelle Cicada, mais c'est sur un label italien et ça sonne un petit peu italien aussi. C'est leur deuxième disque. C'est un groupe d'Athènes et en 2010, ils nous avaient présenté A Child in the Mirror qu'on a entendu assez régulièrement sur ces ondes. Donc, c'est une musique qui sonne un peu médiévale par moments et par contre, il y a beaucoup de claviers, de l'orgue et du mellotron surtout. Donc, ça sonne très progressif. Il y a énormément de violons et pour ce disque qui s'appelle The Finest of Miracles. Il y a eu la participation de Johan Brand de Anglagar. Ce sera suivi de Moll Maskin. C'est un multi-instrumentiste norvégien, en fait d'Oslo. C'est un fou des instruments de musique, c'est un collectionneur. Puis il aime beaucoup écouter du Rock in Opposition et du Canterbury. Lui aussi il a eu la participation de quelqu'un de prestigieux, c'est-à-dire Reese Marsh, qu'on a eu l'occasion de voir au festival de la Convention Terra Incognita. Donc, c'est un monsieur qui a été influencé beaucoup par Robert Wyatt et il cite aussi comme batteur, parce que étant donné que c'est un multi-instrumentiste, il joue beaucoup de batterie. Il cite aussi John Bonham, Levon Helm du groupe de band, le groupe canadien qui a accompagné Bob Dylan, et Chris Cutler. On va entendre aussi La Consenza di Zeno, un groupe italien qui en est à son troisième disque. Et on va terminer avec Logos. Et plusieurs de ces pièces-là proviennent du CD Sampler du magazine Progressiste numéro 81. Et comme d'habitude, on fait le tour un petit peu. À la partie de Classic Rock, on a consacré 4 pages à une grande dame canadienne, c'est-à-dire Joni Mitchell, qui vit des heures difficiles. Elle a eu un accident cérébro-vasculaire au cours du printemps. Et il n'y a pas beaucoup d'informations qui filtrent, mais on dit qu'elle se porterait mieux. Donc, on fait une petite rétrospective de sa carrière. Même si Joni Mitchell, on peut pas dire qu'elle est dans le domaine de la musique progressive comme telle. Par contre, sur certaines pièces, comme son album « No One, Ruthless Daughter », avec une pièce de 16 minutes où je pense qu'elle a, elle a frôlé un petit peu. Et moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans la chronique I Love 90, les années 90, on fait une rétrospective de la carrière d'Annick Dotten. Et Antique Prog, on fait la même chose, mais avec le groupe Morse Code. Et c'est très intéressant d'avoir les commentaires qui sont faits sur un groupe québécois de très grande valeur. On a une entrevue aussi avec Steve Hackett qui nous parle de son dernier album qui est très bon, qu'on a entendu assez souvent, c'est-à-dire Wolf Like, et son album est chroniqué dans les albums événements. Même chose avec Arena qui il semblerait que The Unquiet Sky serait meilleur un petit peu que celui qui a précédé, que j'ai pas aimé beaucoup. Donc je passais assez vite sur ce disque-là. Et dans les autres albums événements, il y a aussi Annick Dotten, le Neil Morse Band. J'aurais aimé mettre une pièce du Neil Morse Band qu'on retrouve aussi sur cette compilation-là. Mais on manque de temps un petit peu aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de titres. Donc, on commence tout de suite notre bloc si on veut être capable de le terminer. Even senza filo. Scusato di averlo

Donc, Steve Hughes est également un multi-instrumentiste, mais il y a une foule d'invités, dont Sean Felkins, qui a fait un très bon disque, qu'on avait entendu un extrait ou deux, je pense que c'est l'année dernière, ou peut-être un peu avant ça. Ça fait déjà un petit bout de temps. Donc, on y va pour ces trois pièces-là. Refracting it, it birthed in me a story. unseen, of castles never dreamed, whose towers ever gleamed. For that is where my heart led me, and ever just ahead I saw that brilliant star. It whispered through the night, its secrets pulsing bright, telling me of tales which were my own. The more I wrote, the more the star would show me. The more I wrote, the less the world could know. But I care not, I rot what I would rot. The world soon lost its hold on me. Some could hear, some could see. For those I would persist, stand proudly in their midst. The truth. said for pennies she could take me to a better place where I'd forget my troubles, help me fly away, help me find a way, help me find a way. She took me to a room with crimson light within our bodies glow, as incense filled my head. As I slip into a blissful state of mind, after the embrace, we kissed and wandered out into the night. She told her whole life story. Reality fits in with that of mine. Wiped away the memory, a fractured piece of tragedy retained. There is no indemnity, forget the soulless entity now. C'était donc Steve Hughes, extrait de son album Tales from the Silent Ocean. Et c'est aussi extrait de l'album New Species, volume 19, qui vient avec le magazine Progressiste numéro 81, qui vient de sortir. Juste avant, c'était Indrek Pathé, de son album Think and Share. La pièce qu'on a entendue, c'est Dance in Livland. Et juste avant, c'était Glasshammer. Et on poursuit avec Grand Tour. Et Grand Tour, ben, c'est un groupe du Royaume-Uni, mais on retrouve du monde assez connu là-dessus, c'est-à-dire que un des leaders, c'est Hugh Montgomery. C'est un fondateur du groupe Abel Gance, et on le retrouvait aussi sur Shooting Albatross. Mais la nouvelle formule de Abel Gance, parce que ça l'a beaucoup changé, et tant qu'à moi, pour le mieux, parce que le dernier album éponyme est vraiment très très bon, et Shooting Albatross était vraiment excellent aussi. Donc la nouvelle formule, parce qu'on s'est remonté avec des nouveaux leaders, ben ça faisait pas son bonheur. Donc c'est allié à trois membres du groupe Comedy of Error, qui ont sorti un très très bon disque, je pense c'est l'an dernier ou il y a deux ans. Donc c'est deux groupes des années 80 qui sont revenus, mais je trouve pour le mieux. Et ben Grand Tour, c'est du prog vintage. C'est vraiment un groupe des ça sonne comme les années 80. Et la pièce qu'on va entendre, ça s'appelle Time Runs Out. Et c'est extrait de leur album Heavy on the Beach.

opened up my eyes. And yesterday dies. Yesterday dies. It's creeping up on me. I wanna go where I should be. Wanna go where I should be. Oh, heavenly torture, this highway brings me. Desired up within, and tomorrow begins. Tomorrow begins. The calms will be here. Distance disappears. Distance disappears. Trespassing borders, following a bright new light. Growing. Open up, free the box, step C'est le groupe Onk et ça vient des Pays-Bas et il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce groupe-là. On dit sur le site que c'est de l'alternative indie pop progressive rock. Je trouve qu'on ratisse large un peu. Pour moi je trouve que c'est la bonne musique progressive avec les nappes de clavier, hein. Et l'album s'appelle Traveler. Et on va essayer de trouver un peu plus d'informations. On retrouve ça sur l'album New Species, volume 19, qui est fourni avec le magazine Progressis, comme j'en parlais un peu plus tôt. Et juste avant, c'était extrait du même disque, là, New Species, Grand Tour, le groupe anglais avec Heavy on the Beach. Et c'est déjà pratiquement tout pour nous autres. Restez là, à l'écoute pour l'autoroute qui sera là tout de suite après la pièce de Jacques-Tom Rivet. Messager du temps, Jacques-Tom Rivet, ben, c'est un membre qui a enregistré avec Pauline Et d'ailleurs, sur ce disque-là, on retrouve trois membres de ce même groupe Pollen qui fait les beaux jours de la musique progressive québécoise. Donc on se laisse avec Jacques-Tom Rivet. Bonne semaine à tous et restez là pour l'autoroute. Avec une mélodie, c'est juste des sons, des notes qui vont et viennent. J'aime ça, je suis familier aux vieux sons éternels. On peut se rapprocher pour l'écouter. Dans nos têtes, la musique s'est éveillée. Dans nos cœurs, la musique va continuer. Premier tam-tam au chant des galaxies. Le son est un langage et fait vibrer la vie. Depuis longtemps, il fait chanter l'humanité. Dans nos têtes, la musique s'est éveillée. Dans nos cœurs, la musique va continuer. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose les bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. L'été est enfin arrivé à la source de la Martinière. Happy Hour Barbecue du mercredi au vendredi de 4 à 7. Burger, bière et rock'n'roll au rendez-vous. Les mardis de l'improvisation avec l'équipe de la Libido. Pinte et Roman Coke à 4$. Pour plus d'infos sur la programmation, suivez-nous sur Facebook. À la source de la Martinière, il faut que ça coule. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Par téléphone au 418-640-2575, poste 201, au 405-3e